Pourquoi devrais-je me taire, puisque tous les étés ne sont pas passés? L'écume du jour n'est-il plus la mémoire des étoiles? Un jour, j'entends la pluie sur la toile qui me protège, et je suis nostalgique. Pourquoi devrais-je me taire? Tous les étés ne sont pas passés. L'écume du jour n'a-t-il plus la mémoire des étoiles pour que je rêve de partager? Aujourd'hui, je mis mes souliers pour un carrosse doré. Pourquoi devrais-je me taire, puisque qu'il reste des automnes à l'abri du vent? Le vent n'est-il plus celui qui alimente le printemps? Amour d'un été fané, amour d'un printemps, robe des champs, je chante à l'amour pour un éternel recommencement. La nuit, je dors. Midi, je salue ce brouillard qui n'est pas encore levé. Homme, regarde l'écume du jour, c'est une onde cristalline qui danse sous la pluie. Le métal n'est-il plus la manifestation physique de ses amours étoilés? À l'aube, les oiseaux chantent au soleil se couchant. Je regarde le tableau cosmique pour partager cet amour éprouvé. Pourquoi devrais-je me taire, puisque tous les étés ne sont pas passés et qu'il reste encore